L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Antoine, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler avec toi aujourd'hui du compostage avec Humus et Associés à Toulouse. Donc, quel est ton rôle dans cet asso ? Je suis directeur donc, de cette association qui existe depuis 2012 et qui comprend aujourd'hui 4 salariés plus un service civique. Alors, vous faites des actions autour du compostage, la création de la terre, du terreau. Tout à fait. Notre association, elle a pour objet de promouvoir et développer le compostage de proximité, et notamment en collectif, qui demande un accompagnement plus important. Mais on a aussi tout l'aspect sensibilisation et l'aspect formation, avec de plus en plus une professionnalisation sur cette question à l'échelle des territoires, donc autant que collectivité qu'association. Alors le compostage collectif, c'est-à-dire quel type de compostage on peut trouver en ville, dans une grosse ville comme Toulouse ? On peut trouver donc bien sûr le compostage alors en individuel, bien sûr pour les maisons, et en collectif, ce qu'on développe le plus, c'est du compostage en pied d'immeuble. Donc c'est l'idée qu'à l'échelle de sa copropriété ou bien de son logement bailleur social, on puisse installer en bas, sur les espaces verts, un site de compostage collectif géré par les habitants eux-mêmes. L'autre exemple, c'est le développement actuellement à Toulouse, ou bien plus largement sur la métropole, de sites à l'échelle de quartiers, soit en jardin public le plus souvent, ou aussi parfois à l'échelle de certains quartiers où il y aurait un petit square, un espace adapté, qui permet de fédérer là des habitants qui n'ont pas forcément d'espace vert au pied de chez eux, mais qui peuvent du coup trouver une solution de compostage de proximité à l'échelle du quartier. Et le dernier élément, ça peut être à l'échelle d'une entreprise ou d'un établissement, quand il y a de la restauration collective, donc essentiellement établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, ou bien facultés, ou alors établissements de santé aussi, maisons de santé, et pourquoi pas hôpitaux. Donc ça, c'est un axe sur lequel on n'a encore pas tant que ça de projets, mais sur lequel on espère bien arriver à développer le compostage aussi. Alors bien sûr, l'intérêt de faire du compost, c'est de réduire la part des fermenticides, donc tout ce qui est organique dans les poubelles et qui pose des gros problèmes de contamination dans les sites d'enfouissement. Mais surtout, c'est un poids énorme dans nos poubelles. Oui, la part des déchets organiques donc, qui sont valorisables via le compostage ou d'autres formes, c'est un tiers en moyenne de nos poubelles des ordures ménagères. Et à travers le compostage, on va leur amener l'endroit dont ils ont besoin, qui va nous amener à la création de l'amendement organique, qui est le compost, qu'on va pouvoir réutiliser ensuite dans nos sols ou bien dans le jardinage, en tout cas qui sera utile. Donc c'est une vraie alternative écologique. Alors c'est pas forcément évident, effectivement, quand on vit en ville. Comment on peut mettre ça en place avec ses voisins ? C'est compliqué, il faut avoir l'accord de tout le monde. Comment ça se passe ? Alors si on se base sur l'exemple vraiment local à Toulouse, la collectivité Toulouse Métropole accompagne la mise en place du compostage collectif et du coup fait appel à notre association pour le faire. Les prérequis pour installer un site de compostage en pied d'immeuble, c'est avoir un minimum de 5 foyers qui soient partants pour commencer à composter. Et du coup, c'est l'accompagnement qu'on mène à travers différentes étapes, le diagnostic où on vient voir sur place où on va poser le site de compostage et donc les éléments de faisabilité technique. Quel va être l'approvisionnement en brun justement ? Est-ce qu'il y a assez de matière sur place ? Est-ce qu'il va falloir trouver d'autres solutions ? Alors le brun, juste comme ça, c'est tout ce qui est sec et qui va être mélangé à ce qui vient de nos poubelles. Absolument. Donc le brun, c'est les matières donc carbonées du jardin. Donc ça va être les feuilles mortes, les tailles de haies ou de branches mais coupées en morceaux. Idéalement du broyat, donc ces mêmes tailles de haies, de branches passées par un broyeur. Éventuellement de la paille, un peu de carton, voilà tout l'élément carboné, donc plutôt sec effectivement, qui est un complément indispensable pour pouvoir réaliser du compostage. Sans cet apport-là, on va recréer ce qui se passe dans les poubelles, ce qu'on va appeler nous la putréfaction, qui va sentir mauvais, qui ne va pas permettre la création du compost in fine. Donc cet accompagnement, le diagnostic, c'est la première étape indispensable pour voir si on peut le faire. Et ensuite, si c'est OK, on passe à l'installation où là, on va venir installer les bacs qui seront dimensionnés en fonction du site Et on va faire la petite formation aux gestes, à ce qu'on met pas, et faire en sorte que tous les participants aient le minimum de connaissances pour pouvoir gérer ce composteur. Et ils auront chacun un petit, ce qu'on appelle un petit bioseau, donc un petit bac dans lequel ils pourront mettre toutes leurs épluchures et leurs déchets organiques de cuisine. Et on revient en principe une troisième fois faire ce qu'on appelle le suivi du site. Souvent, en fait, on préconise en collectif d'avoir deux bacs. Un bac d'apport qu'on appelle, où on va vraiment venir apporter tous nos déchets, et un bac qu'on appelle de maturation, dans lequel on va transvaser les matières quand le premier bac est plein, pour permettre au processus de finir de maturer, du coup, pour avoir du compost. Et donc on vient faire avec les habitants l'opération de suivi, où on va transvaser la matière, brasser, si besoin, ajuster s'il y a si c'est trop sec ou trop humide. Et puis ensuite, on transvase avec eux. Et après, ils sont en autonomie. Et donc, ils continuent à faire la gestion de ce site, sachant qu'à côté, il y a pas mal de choses qui leur sont proposées. Des formations gratuites à différents niveaux, où on peut se perfectionner dans la maîtrise du processus et de la capacité de gérer un site en collectif. Et des animations de réseau. C'est-à-dire, on essaie de créer un réseau des référents de sites de compostage à l'échelle du territoire pour les aider, pour les soutenir, pour leur permettre de partager leurs expériences, de trouver des outils qui améliorent et facilitent la gestion du site et en même temps créer un réseau de gens qui peuvent partager autre chose aussi au-delà du compostage. Alors, avec vous, Humus et Associés, si on habite à Toulouse, ça a l'air plutôt simple, mais toutes les collectivités ne permettent pas comme ça de mettre en place un projet de compostage collectif en pied d'immeuble, parce que le plus compliqué, c'est finalement de faire face à toutes les appréhensions de ses voisins. Ça va pas sentir bon, qui c'est qui va s'en occuper? Comment ça se passe sur d'autres collectivités? Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'autres assos de votre genre dans d'autres villes? Alors, à l'échelle de la France, nous, on est membre d'un réseau national qui s'appelle le réseau Compost Citoyen. Donc, dans les grandes villes, on a quand même des politiques qui sont en train de se développer un petit peu partout, plus ou moins développées, mais dans l'esprit de ce qu'on fait à Toulouse. Dans des territoires autres, effectivement, il n'y a pas toujours une volonté politique et des moyens pour cela. Donc, c'est vrai que nous, on a quand même un rôle aussi de sensibilisation du grand public et c'est aussi une partie de notre activité. Nous, on a mis en place ce qu'on a appelé l'espace info biodéchets. Donc là, à l'échelle régionale plutôt, hein, on a cette vocation-là. Donc c'est un peu, avec différents outils, une permanence téléphonique. Donc on a un téléphone ou un mail où on peut nous solliciter. On a toujours un maître composteur qui répond à toute question justement, où on peut donner quelques tuyaux justement, quelques arguments, quelques outils pour faciliter la force de conviction qu'on peut avoir par exemple à l'échelle de son immeuble, ou bien répondre à toute question technique sur ben voilà, comment on composte, est-ce qu'on peut mettre ceci, pourquoi, etc. Ensuite, on a aussi des ressources à la fois en ligne et dans nos locaux où on a quelques bouquins pour ceux qui veulent creuser un peu la question. Et on fait des animations. Donc, on essaye de répondre à des sollicitations de différents territoires pour des événements grand public, pour tenir des stands d'information ou bien faire des ateliers pratiques pour faire ce travail justement de sensibilisation et de lever les principaux freins et notamment tous ces préjugés dont bah, tu as cité les essentiels, hein, savoir ça va puer. Donc, on peut amener facilement des réponses puisque. Par principe, justement, si on composte dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, justement, ça ne sentira pas. Et c'est une des conditions, d'ailleurs, pour que le compostage se déroule bien. La question des rats en ville, hein, on a beaucoup cette question, ça va attirer les rats, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, on répond à ces questions et on donne des arguments pour montrer que ça n'est pas le cas. Et on essaie de s'appuyer aussi sur les retours d'expérience parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur que des gens qui font déjà. Et on a quand même accompagné, par exemple, sur Toulouse Métropole, plus de 150 sites de compostage qui existent encore, dont certains ont donc 4-5 ans d'existence. Et du coup, ils sont eux-mêmes parfois des vecteurs de. Ben, on invite des habitants à aller visiter des sites de compostage et à rencontrer ceux qui font aujourd'hui, depuis des années, du compostage et montrer que ça se passe très bien. Et alors, il y a des villes qui sont plus ou moins engagées. Il y a vraiment une grosse, grosse différence. Sur le coin de Montpellier, il y avait une collecte des fermentescibles à domicile, hein, comme dans certains territoires, on va avoir la poubelle jaune recyclable ou le verre qui vient être collecté juste là. Et puis, à l'inverse, on a des collectivités qui ont mis des usines à tri mécano-biologique, qui trient les fermentescibles, qui trient un peu tout. Et du coup, ils estiment qu'ils ont déjà fait la part des choses. Et là, la collectivité va pas du tout aider au compostage. Alors, ici, en Occitanie, est-ce que tu sais comment ça se passe dans votre région? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce qu'il y a plutôt du compostage? Globalement, il y a plutôt du compostage et l'intention est quand même très orientée là-dessus, notamment dans le cadre actuellement là, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, puisqu'aujourd'hui c'est une compétence qui est revenue à la région. Et sur la gestion de proximité, elle y a mis un accent fort. Elle n'a pas exclu les autres modes, notamment la collecte. Mais donc il y a quand même des orientations politiques aujourd'hui qui vont aller vers le développement de la gestion de proximité. Et notamment, on est en train de construire à l'échelle de la région un réseau régional des acteurs de la gestion de proximité des biodéchets. Donc on sent que voilà, il y a une volonté et il y a beaucoup de collectivités membres de ce pré-réseau, puisqu'on est en train de le faire émerger, de le construire. On a travaillé sur les statuts, etc. On avance. Donc je crois qu'on a de la chance d'avoir plutôt dans l'ensemble, une volonté politique d'aller plutôt prioritairement vers la gestion de proximité. Mais effectivement, il y a des exemples à Pézenas notamment, enfin de territoires qui ont expérimenté la collecte. Mais c'est quand même pas le choix que font beaucoup de collectivités parce que dans les faits, ça coûte quand même assez cher. Et les études de l'ADEME jusqu'à aujourd'hui ont montré que ça coûtait bien plus cher de faire de la collecte que de la gestion de proximité. Donc je crois que c'est l'intérêt de tous. Simplement, il y a effectivement du retard à l'allumage, on va dire, dans pas mal de collectivités encore. Mais c'est la loi déjà nationale qui donc nous donne des objectifs ambitieux d'ici 2024. La volonté régionale qui donne aussi une orientation avec la planification qu'elle donne est en train de faire bouger beaucoup les lignes. Et nous, on sent que là, il y a de plus en plus de demandes et d'attentes. Donc, on a bon espoir que la gestion de proximité se développe sur notre région. Oui, d'avoir un camion qui vient ramasser son seau de fermentescible, ça a quand même un certain coût. Alors que le compostage le plus proche possible, c'est tout l'inverse. Alors justement, vous à Humus et Associés à Toulouse, bah, ça vous permet de créer vos emplois, ça vous permet aussi d'animer les quartiers et de créer du lien entre les habitants. Absolument, et c'est d'ailleurs un élément qu'on met beaucoup en avant aussi nous en milieu urbain parce que c'est la réalité, hein. Dans la mise en place de sites de compostage collectif, on a aussi une recherche même des habitants parfois de créer du lien et on a vu des résidences où justement il n'y avait pas forcément les voisins ne se connaissaient pas, etc. Ça a créé vraiment une émulation positive dans la résidence et souvent après avoir installé un site de compostage, ben, on a envie d'aller plus loin donc certains vont passer à installer un jardin partagé pour justement utiliser le compost et on est en train de faire effectivement la boucle vertueuse en version économie circulaire mais à l'échelle d'une résidence de se questionner sur l'ensemble et puis de créer une dynamique et c'est aussi l'intérêt du réseau qu'on essaie de créer sur le territoire et que nous on essaie d'impulser dans tous les territoires en disant non seulement il faut développer le compostage mais c'est intéressant d'essayer de créer un réseau pour que justement ça crée une dynamique citoyenne aussi qui va au-delà du compostage et qui peut amener un plus dans des territoires justement qui en ont besoin et qui manquent justement de liens sociaux. Donc nous on met en avant tous ces arguments-là effectivement dans la gestion de proximité, c'est économique, écologique et social, on a vraiment les trois axes vertueux. live your life until love is found. All love's gonna get you down. Sing it! Told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Alors du coup, aujourd'hui, vous êtes 4 salariés, mais il y a aussi des bénévoles et il y a aussi des adhérents à votre association. Comment ça fonctionne, ce petit monde, pour accompagner vers le compostage collectif ? Alors c'est vrai que notre association, elle a une histoire vraiment basée sur la citoyenneté, puisqu'elle a été créée sur une demande citoyenne à la base. C'est intéressant, puisque... il y a eu une demande à Toulouse, justement, d'installation de composteurs dans un jardin public. Et c'est parti de cette demande-là qui a fait émerger le besoin de créer cette compétence, cette spécificité d'une association. Donc l'aspect citoyen, il est fondateur, j'allais dire, dans notre association. Après, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a un questionnement, nous, sur la vie associative, c'est-à-dire qu'on a des adhérents, mais c'est une vingtaine. On a des bénévoles, mais c'est une dizaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup, malheureusement, de forces militantes bénévoles pour justement démultiplier notre présence dans les événements. Donc beaucoup de notre travail repose quand même sur nos salariés, et donc on a cette limite-là. On aimerait des fois être plus présent dans plus d'événements, justement pour démultiplier la sensibilisation. Depuis peu, la collectivité exige que les habitants se créent ou s'adossent à une association, et du coup, on a eu cette demande des sites en disant « mais pourquoi ça ne serait pas Humus, l'association à laquelle on s'adosse ?» Et là, on a des jardins publics qui sont en train d'adhérer à notre association de manière collective. Mais du coup, l'air de rien, ça représente derrière 50 foyers ou 70 foyers. Ce n'est pas directement 70 adhérents, mais quand même, à travers les jardins, on est en train de créer une dynamique. Je n'ai pas bien compris ce lien avec les jardins. Alors, il s'agit en fait des sites de compostage en jardin public. Toulouse avait fait une expérimentation, avait positionné quelques composteurs collectifs dans 3 jardins, notamment du centre-ville, Jardin Grand Rond, Jardin Royal, Jardin des Plantes. Et ça a été victime de son succès, donc c'est révélateur de l'attente citoyenne qu'il y a pour composter. Ils ont débordé. Ben voilà, ils ont débordé, mais ils étaient un peu en apport volontaire, quoi. Il n'y avait pas de demande aux habitants de le gérer, sauf que la collectivité ne s'est pas donné tous les moyens pour le gérer. Ça demandait un investissement important de récupérer la matière. Il fallait y aller tous les 15 jours. Et du coup, elle a décidé qu'elle... ben en tout cas, la collectivité n'a pas voulu se donner les moyens de le faire elle. Et du coup, ils ont décidé de fermer ces sites-là. Mais du coup, de proposer aux habitants d'en réouvrir s'ils étaient prêts à participer à la gestion de ce site, comme dans les pieds d'immeuble. Voilà, c'est-à-dire pas uniquement venir déposer son compost, mais vraiment, vraiment faire son compost ensemble. Et c'est là où justement Humus et Associés a un rôle à jouer. Exactement. Donc en fait, c'était de leur dire, on va vous soutenir. Donc pareil, on va vous accompagner comme les pieds d'immeuble, même avec un renforcement de l'accompagnement. On va même vous aider sur l'approvisionnement justement en broyat. Donc c'est Toulouse Métropole qui les fournit en broyat pour pas qu'ils aient à gérer ce point-là. Le fameux brin. Le fameux brin indispensable pour composter. Et par contre, on leur demande de gérer le site, donc de gérer les inscriptions, de les limiter. Et puis après, de gérer surtout les transvasements, donc tout le suivi entre les différents bacs pour arriver jusqu'à du compost mûr. Et du coup, pour cela, il y a aussi une question de responsabilité civile qui les a amenés à demander à ce qu'ils créent ou s'adossent à une association. Donc ça a suscité du coup un questionnement. Les habitants n'avaient pas envie de créer juste une association pour gérer un site de compostage, c'est bien normal. Et nous, on n'avait pas forcément prévu ça à la base, mais on a été sollicités en ce sens et on a trouvé intéressant de se proposer pour être cette association porteuse, parce que ça a du sens, c'est tout à fait ce qu'on défend. Et du coup, ça crée de fait une émulation et un enrichissement quand même de notre vie associative par ces collectifs d'habitants qui sont en train d'adhérer progressivement à notre association. Et donc, c'est tout frais. Hein. Les adhésions datent là du début d'année. Donc, du coup, on a déjà deux jardins qui ont adhéré, donc deux sites de compostage en jardin public, pour être plus précis. Donc, c'est un potentiel assez de 50 foyers et l'autre 70 foyers. Donc, on a, voilà, quelque part, on a plein d'habitants indirectement qui ont rejoint notre association, et on espère bien quand même créer une dynamique aussi autour de ces sites pour convaincre aussi au-delà ceux qui peuvent faire en pied d'immeuble, ceux qui peuvent faire en individuel, et puis peut-être de nouveaux sites en jardin public ou en quartier. Et on espère bien développer au maximum ces sites de compostage à l'échelle de la métropole. Alors, un autre lien avec les jardins collectifs, que ce soit des jardins partagés ou des jardins publics, c'est une fois le compost créé, il faut l'écouler. Donc, ça peut favoriser des nouveaux types de jardins qui naîtraient à partir de friches grâce à des systèmes de lasagne. Du coup, ce compost que vous créez via vos différents accompagnements de compostage collectif, comment il est réutilisé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la réglementation, de toute façon, impose que seuls les producteurs de ces déchets peuvent utiliser le compost. Donc, il ne peut pas être légalement donné ou vendu, sauf à être normé, et ça a un coût. Donc, de toute façon, le principe, c'est que les habitants doivent l'utiliser eux-mêmes dans leur résidence ou pour leur propre usage. Dans les faits, on a toujours l'impression qu'on ne va pas savoir quoi faire de la matière, mais il y a quand même une diminution très importante par le processus de compostage de ces quantités de compost. Donc en fait, il y a souvent largement de quoi l'utiliser déjà pour les balcons ou les petits bouts de jardin qu'ont les habitants sur leur immeuble. Et puis souvent, à travers les espaces verts, c'est toujours intéressant de faire un paillage, de mettre du compost en paillage pour enrichir les sols. Donc souvent, de toute façon, il y a une utilisation. Mais c'est vrai que beaucoup d'habitants ont eu envie d'aller plus loin et d'utiliser le compost à travers un jardin potager ou à minima des aromatiques. Donc il y a de plus en plus de demandes quand même à utiliser le compost et à être aussi accompagné dans cette utilisation du compost. Donc on a bien sûr l'association Partageons les Jardins qui peut, elle, être accompagnatrice sur l'émergence et l'animation de jardins partagés. Mais bon, à l'échelle d'immeubles, ça peut être plus modeste, on va dire. Et là, c'est vrai que de plus en plus, on a des compétences internes puisqu'on a parmi nos maîtres composteurs des jardins qui ont des compétences importantes, et du coup des fois de plus en plus on va un peu plus loin, et même Toulouse Métropole est en train de réfléchir peut-être à proposer des ateliers pratiques où on va aller sur l'utilisation du compost en proposant justement des techniques, lasagne ou autre, sur comment on peut valoriser ce compost en jardinant. Alors on va développer là finalement un projet, si j'ai bien compris, de votre association Humus et Associés. Donc sur Toulouse ou son agglomération, essayez de mobiliser les entreprises et les collectivités qui ont de la restauration collective, donc qui sont des gros producteurs de déchets, à mettre en place un compost directement au plus proche sur les espaces autour de leurs bâtiments. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale. Au-delà de certaines quantités. Oui, au-delà de 10 tonnes de déchets par an aujourd'hui, mais les seuils font que ça sera de plus en plus obligatoire. Et il y a par ailleurs aussi des établissements qui payent aujourd'hui des redevances spéciales qui ne payaient pas avant, donc ça les fait quand même réfléchir. C'est un peu la réalité du monde, c'est parfois par l'angle économique qu'on a envie d'agir sur le plan écologique, mais bon, c'est une réalité. Et nous, on aimerait bien développer davantage cet aspect-là qui, pour le coup, sur notre territoire, n'est pas très développé. Il n'y a pas vraiment d'énorme volonté politique à l'échelle des collectivités pour développer le compostage en établissement. Et nous, on est convaincus que c'est pertinent, même là aussi, comme on le disait tout à l'heure, en termes de lien social, en termes de projet d'établissement, de lien entre les élèves, la communauté éducative, voire les parents d'élèves. Ça peut être extrêmement intéressant. Donc on essaye de développer cet axe en démarchant, en allant voir les collectivités, les établissements. On a des établissements privés qui commencent à nous solliciter directement aussi. Donc on n'a pas encore beaucoup de projets, on en avait eu installé il y a quelques années. Là on a potentiellement un collège à Tournefeuille là, qui nous a sollicité, avec qu'on va accompagner. Et on travaille avec une autre association, et ça je trouve c'est important de le dire, qui s'appelle Proportion, sur le gaspillage alimentaire, parce que pour nous, là aussi, travailler sur le compostage en établissement ne peut pas se faire sans évoquer le gaspillage alimentaire, parce que c'est quand même une part énorme qui explique les déchets organiques jetés dans ces établissements. Et nous, on promeut le compostage, mais uniquement des résidus inévitables. Donc l'enjeu, c'est quand même de travailler d'abord sur le gaspillage alimentaire et puis de valoriser ce qui doit l'être et qui reste. Donc on essaie de proposer un accompagnement global avec proportion sur lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation des déchets organiques avec tout un accompagnement. Aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que tous les établissements ne perçoivent pas encore l'intérêt, la plus-value. Il y a un coût au début, effectivement, de l'accompagnement, la première année notamment, mais il est amorti largement dès la deuxième année où on fait des économies, y compris financières, par justement la diminution du gaspillage alimentaire et du coût potentiel des déchets, de la valorisation des déchets. Et du coup, on sent que ça bouge, mais on est un peu dans cette année où on espère concrétiser au maximum les touches qu'on a eues dans les établissements et développer cette solution qui nous paraît aussi indispensable pour le compostage de proximité, quoi. Et alors bon, on dit souvent que le bon exemple doit venir des collectivités. Il y a bien au moins une collectivité sur l'agglomération toulousaine qui a bien travaillé ces questions de compostage, de restauration collective et de gaspillage alimentaire. La collectivité qui a le plus développé, on va dire, c'est le Sicoval, la communauté du sud-est toulousain, où on a quand même accompagné une douzaine d'écoles sur leur agglomération en restauration collective. Mais là, justement, eux, ils ont un petit peu arrêté depuis l'an dernier en disant on va d'abord travailler le gaspillage et après on repartira sans doute sur le développement du compostage. Mais c'est vrai qu'en établissement, ça demande quand même beaucoup de volonté à tous les niveaux parce qu'il y a encore plus cet enjeu de fédérer les acteurs et de s'assurer que ça va se pérenniser dans la durée. Ça ne peut pas reposer sur une seule personne. L'agent, par exemple, qui va devoir tous gérer depuis la récupération des déchets, la gestion du site. Parce qu'on observe quand même que sur les écoles où ça a pu se passer comme ça, il y a un risque d'épuisement. Même si là aussi, on incite sur le fait qu'une fois par an, ça peut être bien de faire une rencontre là aussi entre établissements pour redynamiser, partager les retours d'expérience et voilà, se redonner un petit peu de dynamique. Donc c'est vrai qu'en établissement, c'est plus contraignant. Ça demande plus de volonté et de moyens d'accompagnement au départ pour s'assurer par contre que ça réussisse dans la durée. Et ça, on y insiste parce que nous, on n'a pas envie non plus de faire de l'installation pour de l'installation. Si ça ne doit pas être géré, voire être contre-productif parce que c'est mal géré, c'est pas non plus l'intérêt, quoi. Et puis, il y a peut-être aussi des solutions un petit peu plus industrielles, un peu clé en main, qui arrivent avec des composteurs, une grosse machine qui coûte bien cher. Ça ne vous fait pas un peu compétition ? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des solutions de collecte des biodéchets qui vont être ensuite gérées sur des plateformes industrielles, soit de compostage, soit de méthanisation. On a un acteur pas très loin de Toulouse, à Revel, qui travaille sur cette question. Mais on a... justement, là, sur le coup, là, le nom m'a échappé, mais ça va me revenir. Clairvert. Et du coup, là, ce qu'on observe, par exemple, sur le collège de Tournefeuille, on a eu les coûts un petit peu de la collecte. Et nous, on se rend compte que en dehors de l'investissement des composteurs, qui coûte quand même assez cher en compostage en établissement, parce que c'est souvent des pavillons de compostage, ça peut coûter 3-4 000 euros l'achat des composteurs, mais après qu'ils vont durer 10 ans. L'accompagnement seul, ou même l'accompagnement plus investissement, ça coûte à peu près autant que la collecte sur une année. Donc les établissements qui ont été obligés de passer directement à une solution de gestion des biodéchets, qui ont souvent fait le choix de la collecte, se rendent compte au bout d'un an, deux ans, que ça coûte cher et commencent à réfléchir à des solutions alternatives, dont la gestion de proximité. Donc on a bon espoir qu'on montre que notre solution peut être plus intéressante à tous les niveaux, quoi. Ça permet donc de faire des économies et puis au final, c'est plus écologique, plus créateur d'emplois, créateur de liens. Donc on invite tous les gens intéressés à aller sur votre site internet, donc Humus et Associés, association basée à Toulouse, parce que vous avez un centre, vous répertoriez quand même pas mal d'informations et ça peut être bien utile. Oui, tout à fait. Sur notre site, vous trouverez pas mal d'infos sur le compostage, sur tout ce qu'on propose, sur des ressources en ligne, les formations, la carte des composteurs collectifs qui permet de montrer justement ce développement en cours sur le territoire. Donc, et puis nos coordonnées justement, téléphoniques et mails, et un maître composteur vous répond du lundi au vendredi pour toute question sur la valorisation de la matière organique. Et aussi, bien sûr, le réseau Compost Citoyen, réseau national. Merci Antoine. Merci à vous. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.